L'ouverture de l'exposition nationale de beaux-arts industriels consacrée à la journée du soleil s'est déroulée jeudi à l'exposition nationale des beaux-arts industriels. Y ont pris part les officiels intéressés, les créateurs, enseignants et chercheurs. Ayant pour thème les beaux-arts industriels originaux futuristes, la présente exposition montre plus de 2400 dessins, notamment la décoration frontale du Palais du Soleil de Kumsusan, dirigé en personne par le dirigeant suprême Kim Jong-un, et les dessins du bus des passagers, de l'usine de kimchi de Dugong et de la marque des produits de l'usine de transformation des céréales de Pyongyang. Les créateurs, enseignants, chercheurs et étudiants de la Direction nationale des beaux-arts industriels, du Centre de création artistique Mansudae, des Centres de création des beaux-arts industriels de chaque province, des unités des beaux-arts industriels relevant des ministères et établissements centraux, des usines, entreprises et établissements d'enseignement, ainsi que les amateurs y ont également exposé plus de 1500 dessins, produits, maquettes, photos et dessins animés.